Un an, Zeda, tu connais le name. C'est incroyable. Bien accueilli. Hey, Satan. La vie t'a déçu, donc c'est l'alcool, la drogue et les nanas. L'essence t'en a plus, y'a que la misère qui est la peau des panaches. J'suis devenu un soulard, l'alcool m'a souillé, je finirai sous l'eau. Ma chérie t'es belle, mais j'ai plus d'argent pour payer le libala. Bébé nangay na leki. On va clore le débat. Bébé nangay na leki. J'mène une vie de débauche. Ah, j'ai tout tenté. Ah, je suis dégoûté. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. Ah là j'ai compris, je suis un débaucha. J'ai tout plaqué, même le bon char. Comment vais-je atteindre le cochon avec la poisse qui me suit sans arrêt. Angaï c'est la misère, je perds mes proches c'est la misère. Angaï c'est la misère, ma santé s'envole c'est la misère. Hein, ça sent la faillite, je fous la merde c'est ma famille je salis. Moi qui pensais avoir trouvé la faille, je me retrouve ici les poches vides comme un païen. J'ai plus rien dans les chapeaux. Car la misère m'a chez coup. C'est la débauche, maman Angaï chaîne débauche. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. C'est la débauche, maman nangay chen débaucha. Ouais, c'est bon. LKR, Nyang, Gims, ah, c'est la débauche. Que Black, ouais, c'est la débauche. Mes snappers, ngay, c'est la débauche. C'est la débauche. Maman, ngay, c'est la débauche. Ah, ngay, c'est la débauche. Maman, ngay, c'est la débauche. Ah, ngay, c'est la débauche. Prime parolier, c'est la débauche. Ah, ngay, c'est la débauche. J'ai et Bodo la débauche. Ah la la la la la la la la la la la la la.